J'ai passé 8 jours à El Paso, sans apercevoir un cheval. Ils sont loin les rodéos des cow-boys du corral. Pas très loin des rives du Rio Bravo, j'ai pleuré tout seul dans ma tête. Ils sont loin les vieux chariots, t'es bien mort, Margaret. J'ai fait les torrents du Colorado sur un radeau pneumatique. Pas un seul joueur de banjo, pas un frisson dans le dos, un circuit touristique. On t'a déguisé à coups de blousine gris. Far West, t'es frais de la peine à aller. On t'a climatisé comme une limousine. Texas, t'es frais de pleurer Clémentine. J'ai passé 8 jours à Bâton Rouge, au pays de l'Eldorado, où soldats bleus et peaux rouges se sont brisés les os. Ceux qui venaient voir sur la Bourbon Street, c'était ceux de Fort à l'amour, une poignée d'hommes magiques qui ont pris leur dernière cuite dans ce kiosque à journaux. Quelques bons joueurs d'harmonica, une trompette à Saint-Louis, une rythmique à Détroit pour chanter avec moi. On t'a déguisé un peu dans Rhythm and Blues. Disco, t'es fait grincer Blue Sweet Shoes. Please.